qui est irrésistible. Photogramme, pour me distinguer. Tu es blonde et précieuse, c'est ma préférence. Tu es riche et précieuse, Castelli. Ta force est irrésistible, c'est la référence. Monsieur Dix, Univra BGI. Comme elle est, c'est ma préférence. Et sa boue, et sa libé qui toque au castel. Castel. Voilà tout ça, y'a beaucoup de sina qui n'ont pas de sina. C'est la référence. Sauf si l'on bon y'a ma sana comme qui toque au babengi. Castel. Chef Leke, Papa Djuma, Prof Bombo. Boya Nama Vangu, Totambu Sasango ya Castel Zaïre Mobimba, Coco Collignon, Bobongo Sound. Tu es belle, tu es douce, tu es fine et bien cravatée, tu es douce et précieuse, tu es irrésistible, photogramme pour me distinguer. Zola e Oki Castelbira Wabelo Rango Castelbira Selengi Osaya Komele. C'est ma préférence. Et sa goût et sa libe qui toque au castel. Castelbira Bala Tisaye Bokosina Kimona Tinae. C'est la référence. Bonya masanga kombo kitoko babengi Castel. O Balik, Oki Castel. Photogramme pour distinguer Castel. Castelbir, irrésistible.